بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. هذا درسنا 16 في كتاب الشيخ العلامة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. C'est notre 16e cours, frère en Allah Azza wa Jal, dans ce livre de son éminent Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, la voie dans la da'wa des prophètes alayhi salatu wasalam, la méthodologie de la da'wa, chez les prophètes alayhi salatu wasalam, c'est là où il y a la sagesse et la raison. وقفنا عند الفصل الذي عنون له حفظه Ta'ala ازدياد طغيان فرعون وعسفه وظلمه ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان بالصبر الجميل والتحمل. Et nous sommes avec le chapitre où Cheikh il a donné titre comme titre à ce chapitre. Pharaon a exagéré et a augmenté son injustice vis-à-vis de Moussa alayhi salatu salam et du peuple de Moussa alayhi salatu salam. Et le peuple de Moussa a fait face à cette injustice et à cette tyrannie, il lui a fait face avec quoi? Avec la noble patience. Et ils ont supporté, Moussa alayhi salatu salam, et ceux qui étaient avec lui ont supporté, ont enduré et ont patienté. Fakhir Islam, As-sabru, hada huwa al-wajib. Wa rasuluna allamana anna as-sabra diya. فإذا صبر الإنسان أضاء له الطريق. ورحم الله الإمام ابن أبي عاصم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الذي عنون له السنة، لما عقد بابا في السمع والطاعة، لأن أهل السنة إذا كتبوا كتابا في العقيدة يتكلمون عن السمع والطاعة، لأن السمع والطاعة من مسائل العقيدة ومتعلقا بها، خلافا للخوارج والمعتزلة. خون الله عز وجل إن شوز تريز امبورتونت ici. C'est que ce qui est obligatoire pour nous c'est d'endurer et de patienter. Notre prophète عليه الصلاة والسلام nous a appris dans le hadith authentique que la patience c'est la lumière. C'est-à-dire quand la personne patiente, le chemin lui sera éclairé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde, l'imam ibn Abi Asim, dans son noble livre, la Sunna, dans ce livre, il a réservé un chapitre, et ce chapitre, il lui a donné le titre, Écouter et obéir. Car les gens de la Sunna et ceux qui suivent leur pizzer d'Allah alim, quand ils écrivent des livres dans l'Aqidah, ils réservent un chapitre à l'obéissance, au fait d'écouter à ses gouverneurs et le fait de leur obéir. Car ça fait partie des sujets de l'aqida. Et ça a rapport avec l'aqida. Contrairement aux khawarij et aux mu'tazila qui ne donnent pas d'importance à ce chapitre. Et qui sont en contradiction. Et qui tombent en divergence avec ce chapitre. فَلَمَّا عَقَدَ الْإِمَامُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللَّهِ هَذَا الْبَابِ باب السمع والطاعة بدأه بهذا الحديث الصبر ضياء. وهذا يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله، لأن الإنسان إذا لم يصبر وقع في مخالفة السنة وهذه الدنيا ما يمشي فيها الإنسان إلا بالصبر. هنا الله عز وجل كون سنوبل أيول كي ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى a ouvert ce chapitre, chapitre de l'obéissance, du fait d'écouter et d'obéir. Il a commencé avec ce hadith, la patience est une lumière. Ça prouve la clairvoyance qu'avait ce noble imam, avec laquelle a comblé Allah subhanahu wa ta'ala ce noble imam. Car l'être humain, s'il ne patiente pas, il va tomber dans la divergence avec la sunna. Et dans ce bas monde, l'être humain ne peut pas faire que d'être accompagné et d'être patient. Sinon, tout va aller à l'envers. فالصبر إخوة الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضياء فإذا صبر الإنسان أضاء له الطريق ومشى على بصيرة أما إذا لم يصبر أظلم الطريق أمامه فتخبط خبط عشواء ولا يدري كيف يمشي ولا إلى أي اتجاه يسير فيقع في سوء التصرف والعلماء يأمرون الناس والشباب خاصة بالصبر ويأمرون المتهولين بعدم العجلة وبالصبر والتحمل. La patience, frère en Allah, Azza wa Jal, c'est une lumière. Et quand l'être humain patiente, le chemin va lui être éclairé. Et il va marcher dans une ligne droite qui est claire. Mais s'il ne patiente pas, il va marcher sur un chemin qui est ténébreux. Et il ne verra pas devant lui, il va patauger. Il ne saura pas comment marcher, ni vers quelle direction aller. Et il va tomber dans des contradictions avec la sunna de Mohammed al-Islam et avec la voix des piseurs d'Allah. Il va faire très mal de là où il croit qu'il fait bien. Et les hommes de sens ordonnent aux gens de patienter, et surtout à la jeunesse musulmane, d'endurer et de patienter. Et ils ordonnent aussi à ces excités, à ces révoltés, à ceux qui sont pressés, d'endurer et de patienter. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara ashabahu al-kiram fi Makkah bis-sabr. Et le prophète alayhi sallam a ordonné à ses nobles compagnons à la Mecque l'endurance et la patience. كان صلوات ربي وسلامه عليه يمر على ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار وهما يعذبان وهما يعذبون أشد العذاب في مكة ويقول لهم عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة يعني اصبروا على هذا الأذى وهذا العذاب في سبيل الله فموعدكم الجنة. Notre prophète alayhi salam passait à la Mecque devant la famille de Yasir, le père Yasir, ainsi que sa femme Soumaya et leur fils Ammar, qui étaient en train d'être châtiés et de subir les mauvais châtiments de la part des gens de la Mecque. Il passait à côté d'eux et sa parole était tout simplement « Patience à Yasir, votre rendez-vous est au paradis. » Ça veut dire endurer et patienter sur ce châtiment que vous subissez sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre récompense sera le paradis. Et c'est une période où le prophète alayhi salam était faible. La communauté n'existait pas. Ils étaient peu nombreux. Et regardez ce qu'il a enseigné à ses nobles compagnons. La patience, l'endurance. « Wa sami'tum kama sami'a ghayri wa sami'tu kadhalik » عبر غرف الخوارج من يقول لإخوانه الذين يعيشون بين ظهران الكفار إخواننا وأخواتنا مضطهدون من قبل الكفار في شتى بقاع الأرض فالذي يستطيع أن يسرق برينكس فليفعل وليدفع للمجاهدين لا أقول لكم اسرقوا علبة حلوى من سوبر ماركت لا نحن نرى جهال ف قارنوا هذا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل ياسر أخوارج الانترنت أهدى وأعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous avez entendu, comme j'ai entendu, comme d'autres parmi nos frères et nos sœurs ont entendu, à travers ces rooms dites kfiri qui vivent au milieu des gens de la mécréance et dans les pays de la mécréance, dire certains élever la voix et dire « Nos frères et nos sœurs sont écrasés dans les pays de l'islam et dans les pays de l'islam par les mécréants et à travers le monde par les mécréants. » Et ils demandent aux jeunes, ils disent « Ceux qui peuvent, ceux qui peuvent faire un hold-up et prendre un Brinks et prendre le magot et l'envoyer aux mujahidines qu'ils le fassent. Je ne vous dis pas de voler un paquet de biscuits dans un supermarché. Nous, on voit le jihad. Si vous pouvez voler, voler, envoyer où ? Aux mujahidines, prétend-il. Est-ce que c'est ça ? Comparez ça avec la parole du prophète à Ali Yassir. Est-ce que les khawarij d'internet sont mieux, ils sont sur la même voie, la voie, la bonne voie, ou le prophète alayhi salatu salam et ses nobles compagnons? Qui est sur la bonne voie? Hada, il dit, nous sommes dans une situation de faiblesse, donc on peut piller le kuffar et envoyer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était dans une situation de faiblesse, il vivait au milieu des mécréants, il n'a pas dit à ses compagnons de piller, ni de voler, ni d'assassiner, ni de trahir, loin de là, patience, et qui est le mieux? Qui dit la vérité? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faikhwat al-Islam, as-sabru i'anatun asasiya, wa huwa nisful iman, wa la yakunu l'insanu imaman fi d-din illa bis-sabri. Awalan, thumma bil-yaqin, qala azza wa jal, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله بالصبر تدفع الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، لأن اليقين إخوة الإسلام علم راسخ وعلم واضح، وإذا اندفع عن الإنسان الشهوات والشهبات والشبهات كان إماما ربانيا وعبدا صالحا. En Allah Azza wa Jal, la patience est un pilier principal, est une aide principale, et c'est la moitié de la foi. Et l'être humain ne peut pas être un imam ni un guide dans la religion qu'avec la patience et la certitude. Il est dit dans le verset, nous avons fait d'eux des imams qui guident par notre ordre, quand ils ont patienté, ils avaient la certitude sur eux, le verset. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, avec la patience, on repousse shahawat, les désirs, et avec la certitude, on repousse les ambiguïtés, car la certitude, c'est une science sûre, et une science bénéfique. Et quand de l'être humain, quand s'est éloigné de l'être humain, shahawat, les désirs, et shubuhat, les ambiguïtés, il sera un imam, et un serviteur vertueux, et un imam, dans la bonne voie. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى ما ذنب موسى وقومه في نظر هؤلاء المجرمين؟ لا ذنب لهم إلا الدعوة إلى التوحيد والتبات عليها والكفر بفرعون ومعبوداته. الشيخ de nous dire ici, c'est quoi le péché de Moussa et de son peuple aux yeux de ces criminels qui sont Pharaon et son peuple? Et Cheikh de répondre, ils n'ont commis aucun péché, sauf qu'ils ont fait une dawa vers le monothéisme, et vers le fait de se cramponner au monothéisme, et vers le fait de mécroire en Pharaon, et en ce qu'adore Pharaon. وَقَبْلَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ Il a dit auparavant, frère en Allah, Azza wa Jal, وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَلُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Et avant ce que j'ai dit, j'ai sauté un paragraphe. Il a cité un verset du Coran dans Sourate Al-A'raf où les gens autour de Moussa ont dit, autour de Pharaon, on dit à Pharaon, est-ce que tu vas laisser Moussa et son peuple faire le mal sur terre et te délaisser toi et ce que tu adores? Et Moussa, Pharaon, sa tyrannie est ressorti, il a dit, nous allons tuer leurs enfants, nous allons laisser en vie leurs femmes, et ceci est un acte d'avilissement pour faire périr cette communauté, et sur eux nous sommes là pour les avilir et pour les écraser. Ainsi a dit Pharaon. أتذل موسى وقومه يفسدون في الأرض انظر فساد التصور ماذا جرى على قوم فرعون جعل المؤمنين المصلحين مفسدين وهكذا يفعل الضلال والانحراف بأهله فمن المفسد من عنده الفساد في القصور Pharaon وقومه موسى ومن معه. Il est dit dans le verset, est-ce que tu vas laisser Moussa et son peuple faire du mal sur terre? On devrait regarder maintenant la fausse imagination de la situation. Qu'est-ce qu'il va ramener sur le peuple de Pharaon et sur Pharaon? Ils ont fait cette fausse imagination de la situation. Hein? A décrété pour eux que les croyants, ce sont eux qui font le mal. Moussa et ceux qui le suivent font le mal. Et ainsi l'égarement fait avec ceux qui sont dans cet égarement. Qui est celui qui fait le mal en réalité? Qui a le mal dans ses palais? Pharaon et son peuple ou Moussa et les croyants qui sont avec? Hein? En réalité, ceux qui font du mal et qui sont dans le mal, qui? Ce n'est pas Moussa et les croyants qui étaient avec. Mais c'est Pharaon et son peuple. Mais regardez comment hein, ceux qui sont dans l'égarement renversent la situation. وتأمل حال الحزبين والحركيين يقولون ماذا أنتم السلفيون تفسدون الناس وتفسدون في الأرض. تأمل الانتكاس وهذا من قديم الزمان الصراع بين الحق والباطل واتهام الحق دائما. Imitez l'association des activistes et des hizbi. Ils disent toujours, vous les salafis, vous faites du mal, vous dérangez les gens dans leur esprit et vous faites du mal sur terre. Regardez ce renversement de situation. Et ceci, c'est depuis l'aube des temps, la guerre entre le bien et le mal. Et toujours, le mal accuse le bien. وتأمل الغرور ماذا فعل فرعون وقومه مع أنهم هم المفسدون في الأرض سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. Et regarde comment ils sont imbus d'eux-mêmes et l'orgueil, où est-ce qu'il les a amenés? Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon et son peuple? Alors que c'est eux qui font le mal sur terre. Nous allons tuer leurs enfants. Ils l'ont fait. Et nous allons laisser vivre leurs femmes pour les habiller, pour les rabaisser. وهذا يذكرك كذلك بأحد الخوارج في غرفهم قال وليعلم السلفيون أنهم إن جاءوا للمواجهة سأقتلهم دمهم حلال علي لأنهم عمال الطواغيت ضد الموحدين. تأمل أنت هذا. Et ça, ça nous rappelle aussi ces actes de ces faibles, de derrière leur rhume, hein? Et ces déviés qui ont dévié de la voie des plus élevés d'Allah, ils ne savent que les insultes et quoi? Et les menaces. Il a dit, celui qui a appelé les jeunes à voler un Brinx ou à faire un hold-up d'une banque, il a dit que ça, qu'ils sachent les talafis. Ainsi, il a dit, s'ils viennent me faire face, je vais les tuer parce que leur sang est halal. Parce que ce sont des agents d'Al-Tawaret contre les monothéismes. Vous voyez un petit peu? La guerre entre le vrai et le faux, il est depuis l'aube des temps. Il ne change pas, il n'y a que les noms qui changent. Et les lieux et les situations, c'est tout. D'un lieu à un autre, d'une époque à une autre, mais la guerre est toujours la même, elle est là. يقول الشيخ ما ذنب موسى وقومه في نظر هؤلاء المجرمين لا ذنب لهم إلا الدعوة إلى توحيد الله والتبات عليها والكفر بفرعون ومعبوداته. Le cheikh de nous dire, c'est quoi le péché de Moussa et de son peuple aux yeux de ces criminels? C'est-à-dire de Pharaon et son peuple. Ils ont fait, ils ont commis aucun péché sauf d'appeler vers Dawa, vers le monothéisme et de rester constant sur le monothéisme et de défendre le monothéisme et de croire et de mécroire en Pharaon ce que adore Pharaon. Et c'est quoi le péché des salafis chez les hizbis? C'est qu'ils appellent à la fiya et au monothéisme. C'est tout simple. Ils appellent à la voie de l'authenticité, à le fait d'être conditionné avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi wa sallam, avec la compréhension et la voie du puiseur d'Allah alayhi. Et ça gêne les hizbis. C'est le seul péché qu'ils ont, c'est ça la vie. يقول الشيخ حفظه الله ثم ما موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي تجاوزت حدود الوحشية والهمجية. Cher de nous dire, c'est quoi la position de Moussa alayhi salam devant ces ignobles actes de la part de Pharaon et de son peuple vis-à-vis de Moussa et de son peuple? Et ces actes qui ont dépassé la limite de la sauvagerie et de la barbarie. يقول الشيخ إنه التبات على العقيدة والصبر الجميل والاستعانة بالله في مواجهة هذه الشدائد ثم انتظار العاقبة الطيبة والنصر نتيجة وتمرة حميدة لهذا التبات والصبر. cher de nous dire, c'est comment Moussa a été en face de ça avec son peuple. Ils sont restés constamment. Ils se sont cramponnés à leur aqida, à leur aqida du monothéisme. Ils ont enduré, ils ont patienté, ils ont cherché aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire face à cette tyrannie. Et ils attendaient la bonne fin et la récompense minallah subhanahu wa ta'ala et le triomphe qui sera le résultat de cette patience et de cette endurance qu'ils avaient en face de ce qu'ils subissaient par Pharaon et son peuple. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسى a dit à son peuple, comme nous le cite Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans sourate Al-A'raf, Moussa a dit à son peuple, cherchez aide auprès d'Allah et patientez, endurez, car la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, la fait hériter à qui il veut parmi ses serviteurs. Et la bonne fin, il est pour le mutaqin, il est pour ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ ولما لم يبقى اي امل في ايمان فرعون وقومه وشد البلاء على بني اسرائيل كان مطلب موسى الوحيد من فرعون ان يترك لبني اسرائيل حرية الخروج والهجرة الى حيث يريد الله إلى حيث يريد الله لهم إنقاذا لهم من التعذيب والتنكيل. قال عز وجل فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Et Cheikh de nous dire, quand il restait plus aucun espoir, dans la situation où il n'y a plus d'espoir que Pharaon va croire, et quand les épreuves sont devenues énormes sur le peuple de Bani Israël, qu'a demandé? C'était quoi la seule demande de Moussa? Qu'est-ce qu'il a demandé à Pharaon? Il lui a demandé tout simplement de laisser la liberté à Bani Israël de sortir et d'immigrer vers là où le veut Allah subhanahu wa ta'ala, pour les sauver de la tyrannie et de l'injustice de Pharaon. Il est dit dans le verset dans son rata, Fa'tiya, allez vers lui, et dites-lui, c'est-à-dire Moussa et Aaron, dites-lui, nous sommes les messagers de ton souverain, envoie avec nous Banu Israël, et ne les châtie pas, ne commets pas sur eux d'injustice, nous t'avons ramené des signes de ton souverain, et la paix est sur celui qui suit la guidée. Fa'akhwat al-Islam, ja'a fi qawlillahi azza wa jal, ista'inu billahi wasbiru. وتأمل معي عندما يقول علماء ودعاة السلفية للشباب استعينوا بالله واصبروا ويدعونهم إلى التصفية والتربية يقول عنهم هؤلاء المتهورة لا تسمعوا لهؤلاء المرجعة لأن مع أن الواجب المتحتم علينا الاستعانة بالله والصبر لا الفوضى والسرقة وطلب الفتن والهرج. وقاعد يفخرون الله عز وجل دون بارض الله سبحانه وتعالى تغيبه Abanou Israël qui était dans cette situation, il leur a été dit, cherchez aide auprès d'Allah et endurez, patientez. Et médite avec moi cette situation quand les hommes de science de la Da'wa Salafia et les Du'at d'Yel Salafia disent à la jeunesse musulmane, cherchez aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et endurez, patientez. Quand ils les appellent vers la tasfiya et la tarbiya, les excités des Hizbi et des activistes et des prétendus djihadistes, ils n'écoutaient pas ces murji'a. Alors que l'obligation pour tout un chacun de nous, ce qui est obligatoire pour nous, c'est de chercher aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de patienter, et non pas d'aller créer l'anarchie, le vol, le pillage, les viols, et de chercher le fitan. Vous avez dit ça, Boussa Hussein? بارك الله فيكم. فلنعلم إخوة الإسلام وليرسخ في أذهاننا أنه بتعلم التوحيد وتحقيق الاتباع يأتي التمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا الاستخلاف يأتي بالإيمان وبالعمل الصالح ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا؟ يعبدونني لا يشركون به شيئا. فالتوحيد أعظم الأسباب وأوجبها للتمكين، فكيف يكون هذا الذي يدعو لتحقيق التوحيد والعمل به مرجئا وتاركا للأسباب؟ هنا الله عز وجل كونساش إكسا سنك دون نتر إسبري que ça devient une réalité dans notre conscience, que le fait d'apprendre le monothéisme et de l'accomplir, et d'accomplir le suivi de notre prophète, c'est ce qui va ramener la puissance sur terre. Hein? Et c'est ce qui va nous donner la suprématie et l'honneur. Il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru, et fait bonheur, parmi vous et fait bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est dans... C'est l'acte qui est dans le suivi de Mohammed A.S. Qu'est-ce qui leur arrive? Allah subhanahu wa ta'ala va les faire succéder les uns derrière les autres. Il va donner la force à leur religion. Il va leur changer leur peur en sécurité. Pourquoi tout ça? Ils m'adorent. Ils ne me font aucun souci. Ils me réservent le culte exclusivement. Fa tawhid ikhwat al-islam, c'est le plus important pilier et la plus grande des causes obligatoires pour pouvoir avoir la suprématie et pour pouvoir triompher. Comment dans ces cas-là, celui qui appelle vers le fait d'accomplir le monothéisme et de le mettre en application et de suivre son messager à l'essentiel, il peut être morgé? Hein? Comment on peut le traiter de morgé et de le traiter comme quelqu'un qui a laissé le fait d'utiliser les moyens? Ikhwat al-Islam, كيف يكون هذا الذي يدعو لتحقيق التوحيد واتباع السنة والعمل به مرجئا وتاركا للأسباب؟ والأسباب عند طاعنين في أئمتنا والطعن أولى بهم هي حمل السلاح وإطارة الفتن والفوضى وتهيج الشباب على ذلك، وهذا من جهل هؤلاء المنحرفين عن منهج الأنبياء، تركوا الأخذ بالسبب الرئيسي ألا وهو تعلم التوحيد وتحقيقه والعمل بمقتضاه وفق فهم ومنهج سلف هذه الأمة، واتهموا الأئمة والسلفيين بترك الأخذ بالأسباب، واتهموهم بالإرجاء، واتهموهم بأنهم وضعوا أيديهم في أيدي الطواغيت من يهود وأمريكان ضد الموحدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها فهنا الله عز وجل كوموند دون سيكالا سلوي كي أبل فيغ لو فيت دكومبليغ لو مونوتيزم et qui appelle vers le fait de suivre son message, peut être mangé et peut être quelqu'un qui est délaissé à mettre en pratique les causes et à utiliser les causes. Parce que les causes, c'est ceux qui dénigrent nos grands imams. Les causes, pour eux, c'est le fait de prendre les armes et de créer l'anarchie et de tuer et d'exciter la jeunesse pour aller dans ce sens-là. Mais tout ceci, c'est une ignorance de la part de ceux. C'est l'ignorance qu'il fait dire à ceux qui ont dévié de la voie du prophète alayhi salam. Parce que eux, réellement, ils ont délaissé le fait de prendre la cause principale qui est le fait d'apprendre le monothéisme et de l'accomplir et de le mettre en application selon la voie et la compréhension de nos plusieurs d'Allah alayhim. Ils ont accusé les imams de la da'wah salafia et les salafis d'avoir délaissé, de n'avoir pas pris les moyens, utilisé les moyens. Ils les ont accusés d'être mangés. Ils les ont accusés d'avoir mis la main dans la main des tawarit, qu'ils soient les juifs ou les américains, ou autres contre le monothéisme. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment ils vont faire quand ces imams de la salafia vont être leurs adversaires devant Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection? Yalmizuna ulama'ana bi alqabin shani'a. لأنهم مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، وما إلى ذلك من التهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. Ils dénigrent nos hommes de science avec des termes vils. Ils les traitent de مرجئة avec le حكام et d'être خوارج avec الدعاة. Et j'en passe les autres accusations sur lesquelles ils n'ont aucune preuve. Sinon, de la calomnie pure. Wa anta tara wa tasma'u akha al-islam min du'at al-ikhwan was-sururiyya wal-qutbiyya wal-yasiniyya wa man naha nahwahum khalafu manhaj al-anbiya fa halla bihum al-bala'u ala aydi ba'd al-hukam lima لأنهم لم يسلكوا هذا الطريق الرباني ولم ينتهجوا منهج الأنبياء. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. يتفوافعون الله عز وجل يتيونطون هادو لي دعات لي بريشور ديال الاخوان ديال السروريه ديال الياسينيه دو لا قطبيه الطلائعيه لي بريتوندي جهاديست اي اوتر. Ils ont pris une autre voie qui est en divergence avec la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont été éprouvés par certains gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et parce qu'ils n'ont pas pris le chemin des prophètes alayhi salatu wasalam et de leur puissance d'Allah alim. Moussa a dit à son peuple, cherchez aide auprès d'Allah et patientez et endurez. Halla amal haoulaï bihad al-amr al-rabbani. فلم يستعينوا بالله حيث اعتمدوا على قوتهم وطاقاتهم البشرية وعلى ما عندهم من عضلات ورياضات وأسلحة واغتروا بمن يتبعهم من الهمج الرعاع. Pourquoi n'ont-ils pas mis cet ordre d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi ils n'ont pas cherché aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Au lieu de le faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait confiance. Ils se sont appuyés sur leur force, sur leurs muscles, sur les entraînements qu'ils font, sur les sports qu'ils pratiquent, sur leurs armes. Ils se sont fait un but d'eux-mêmes. Ils se sont fait un but de la masse qui les suit. La masse parmi les insensés et parmi les ignorants. وقالوا معنا الجماهير والقوة فتركوا الاستعانة بالله واستعانوا بالملايين من الهمج والرعاة من رذالة الناس. Et ils se sont dit, nous avons la masse avec nous. Nous avons la puissance. Ils ont laissé de côté le fait de chercher aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cherché aide au prix des millions d'insensés. وَلَمْ يَصْبِرُوا وَإِنَّمَا خَرَجُوا وَلَجَأُوا إِلَى السِّلَاحِ كَمَا فَعَلُوا فِي الْجَزَائِرِ. Ils n'ont pas patienté. Mais ils sont sortis. Hein? Ils ont sorti leurs armes, comme ils ont fait en Algérie. Hein? اِغْتَرُوا بِأَعْدَادِهِمْ وَبِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ دَخَائِرِ وَلَجَأُوا إِلَى الْأَسْلِحَةِ وَوَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءِ التي تعرفونها كلكم والتي حصدت الملايين من شباب المسلمين والمسلمات ولم توقر حتى الشيوخ والأطفال فالله المستعان فهكذا يفعل الجهل والعجلة والاغترار بأهله. Ils n'ont pas enduré, frère en Allah Azza wa Jal. Ils sont sortis avec leurs armes, comme ils ont fait en Algérie. Ils se sont fait avoir par le nombre et avec ce qu'ils ont comme réserve d'armes. Et ils sont allés à l'utilisation des armes. Et la grande fitna aveugle est arrivée, comme vous savez tous. Et cette fitna a fait périr beaucoup de musulmans en Algérie. Des milliers de musulmans en Algérie et de musulmanes. Et cette fitna en Algérie n'a même pas laissé les petits-enfants. Et puisqu'ils avaient des fatwas d'Abu Qatada pour tuer les femmes et les enfants. Fallahu al-musta'an. Et ainsi fait l'ignorance. Hein? Et ainsi le fait d'être pressé, voilà où ça amène. Et ainsi le fait d'être imbu de soi, et d'être imbu de la masse, et de ne pas céder d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas patienter, voilà où ça amène. La catastrophe, le malheur. فَمَمْ تَذَلُوا مَنْهَجَ الْأَنْبِيَاءِ ووقعوا الشعب الجزائري في فتنة عظيمة وأهدروا طاقته البشرية والمادية وكانت فتنة عظيمة جرت على الأخضر واليابس وأضرت بالدعوة إلى الله. Ils ne se sont pas, ils n'ont pas suivi la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont fait tomber le peuple algérien dans une énorme fitna. Et ils ont lapidé et gaspillé sa puissance et son énergie, sa puissance humaine et aussi matérielle. Et ça a été une énorme fitna qui a rasé le vert et le sec et qui a fait un grand mal à la da'wa. Ya shabab, ista'inu billah, wasbiru, thumma sluku al-manhaj al-sahih, la al-manhaj al-mustawlada min al-gharb, al-demokratia, al-intikhabat, al-ightialat. Fahadhihi al-jama'at fi al-haqiqa ya ikhwa, min al-bidayah mukhalifah li nahj al-salaf al-salih wa nahj al-anbiya' qablahum. Oh jeunesse, cherchez aide auprès d'Allah Azza wa Jal et patientez et prenez la voie authentique et non la voie, les voies qui ont été importées de l'Occident, la démocratie, les élections, les assassinats, les putsch, les révolutions et autres. En réalité, ces groupes Frère en Allah, Azzawajal, dès le départ, leur point de départ, est en divergence avec la voix du prophète et la voix du Puiseur d'Allah Alim. Fama indahum ayyuha al-ikhwa illa al-ghtiyalat inda al-ba'd al-ghtiyalat wal-fawda wal-fitan wal-inqilabat wal-akharun indahum al-intikhabat wal-dukhul fi al-marramanat wal-taswit wal-mudaharat famin al-bidayah inharafu wa kama yaqulu al-ulama man hurima al-usul hurima al-wusul. Fahana Allah Azza wa Jal, ils ont rien à la base, ils ont juste pour certains, les présidents des djihadistes, mettre des bombes, assassiner, créer la fitna, appeler à une révolution, appeler à l'assassinat des gouverneurs et ainsi de suite. Les autres politiciens, hein, les élections, rentrer dans les parlements, faire voter les gens, appeler au vote, appeler aux manifestations. Dès le départ, tous, ils ont dévié de la voix du prophète, alayhi sallam, de la voix de nos puissants d'Allah. Et comme disent les hommes de science, celui qui a été privé des fondements n'arrivera jamais. فعندما زورت الانتخابات في الجزائر ماذا حصل؟ هل صبرت الجماعات في الجزائر؟ لا. وهل استعانوا بالله وصبروا وسلكوا نهج الأنبياء؟ لا. ولكن سلكوا منهج الخوارج. فزعوا إلى السلاح لمواجهة من ظلمهم بزعمهم. وكانوا فتنة وبلاء على الشعب الجزائري والشباب خاصة في بدايتهم وفي نهايتهم. وما استفاد من فتنتهم أحد. Regardez, quand les élections ont été falsifiées en Algérie, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que les groupes sur place, les activistes islamiques, ont patienté et ont cherché aide auprès de Allah et patienté? Est-ce qu'ils ont pris la voie du prophète? Non, frère en Allah, Azzawajal. Ils ont pris la voie des Khawarij. Ils sont allés sortir leurs armes contre ceux qui ont commis une injustice contre eux, prétendent-ils. Et ça a été une grande fitna, une grande épreuve pour le peuple algérien, et surtout pour la jeunesse. Ils étaient une grande épreuve, une grande fitna, au début pour la jeunesse et à la fin aussi. Et personne n'a profité de cette fitna. Personne. Wa taban, akhal islam. نبي الله موسى لما قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال له قومه قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Évidemment, frère en Allah Azza wa Jal, que Moussa alayhi salatu wasalam a dit à son peuple, cherchez aide auprès d'Allah Azza wa Jal et patientez, car la terre, il va la faire hériter à ceux qu'il veut parmi ses serviteurs. Et la bonne fin, il est pour ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple de Moussa alayhi salatu wasalam lui ont dit, nous avons subi du mal avant que tu arrives et après que tu sois arrivé. Avant ton envoi vers nous, et après ton envoi, nous avons suivi du mal. Il leur a dit, hein, peut-être que votre souverain va faire périr votre ennemi, et il va vous faire succéder sur terre, et il va voir ce que vous allez faire. وَمَرَّ مَعَنَا كَمَا تَعْلَمُونَ مِتَالٌ لِلصَّبْرِ وَمُوسَى كَمَا تَعْلَمُونَ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ مِتَالٌ لِلصَّبْرِ فماذا قال أديب العصر ومرجع القطبيين والسروريين والتكفيريين عن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل اللي passé déjà avec nous que موسى عليه الصلاة والسلام c'est le summum des exemples de la patience. Mais qu'est-ce qu'il dit, le littéraire et l'écrivain du siècle, hein, et la source du Qutbi, du Sururi, du Tikfiri de موسى عليه الصلاة والسلام, le prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. قال إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج فهل هذا إخوة الإسلام كلام يقال في أحد أولي العزم من الرسل وهذا في كتاب التصوير الفني وبئس التصوير والفن فهل يقال في موسى مثال الصبر هذا الكلام كيس كيلا دي سيد قطب دون موسى عليه السلام يدي سي لكزمبل دي ليدر ها كي بوسي. Hein? Et qui a un tempérament coléreux. excité qui a un tempérament coléreux. Est-ce que c'est des paroles qu'on a à dire sur l'un des prophètes alayhi salam à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé? Et ceci est dans son livre, hein, Sour al-Fanni, le dessin artistique. Et quel art? Quel art? Ça, ce n'est plus de l'art. C'est la fin. Le fin en arabe, il a une équivalence en arabe. Changer la une lettre, il lui fait la fin, ça veut dire la